Le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Paektusan 2017 a eu lieu le 15 août au Palais de la Culture du Peuple à Pyongyang. Y ont pris part Kim Yong-nam, président du Présidium de l'Assemblée Populaire Suprême, le président et vice-président du Comité Préparatoire Coréen pour le rendez-vous, les cadres intéressés et autres travailleurs de la ville de Pyongyang. Y ont également participé les présidents d'honneur et les coprésidents du Comité Préparatoire International pour le rendez-vous, les délégations déléguées et personnalités de différents milieux de divers pays, régions et des formations démocratiques internationales, les diplomates de divers pays en Corée et les hôtes étrangers et les compatriotes coréens d'outre-mer en séjour en Corée. On y a remis une corbeille de fleurs des participants au 5e Festival international en l'honneur des grands hommes Paektusan, au dirigeant suprême Kim Jong-un, les drapeaux d'honneur, médailles, titres d'honneur, prix, diplômes et cadeaux des comités préparatoires internationaux et régionaux pour le rendez-vous, des formations démocratiques internationales, des organisations politiques et sociales et établissements de divers pays et d'autres personnalités de différents milieux aux grands hommes Paektusan. Le co-président du Comité préparatoire international pour le rendez-vous, Peter Woos, ambassadeur en Asie-Pacifique de la Fédération des gouvernements urbains et régionaux, a prononcé le rapport qui dit notamment « Depuis la publication de l'appel pour organiser une grande réunion internationale à l'éloge des grands hommes Paektusan en octobre 2015, on a livré largement les activités pour vénérer vivement les grands saints et soutenir la juste cause du peuple coréen dans le monde entier. » Il s'est exprimé convaincu que le festival sera une occasion significative qui manifeste dans le monde entier l'aspiration et l'ardeur des peuples progressistes pour exalter les exploits immortels du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, soleil éternel de l'humanité, et faire briller le 21e siècle en siècle de Kim Jong-un. Ensuite, il y a eu les discours. On y a adopté la lettre des participants à l'adresse du dirigeant suprême Kim Jong-un.